au cœur. J'ai une guitare, j'ai même une basse, j'ai même une batterie. Je peux jouer de tous, tu vois. Ouais, ok, alors ben je joue un morceau. Attends, faut que je t'accorde. Oui, j'ai un pote qui m'appelle, tu vois, mec. Parler de mon pays, l'Auvergne, les volcans, Vulcania, Vulcania, les volcans, c'est bon. Si t'aimes les randonnées, et si t'aimes bien marcher, et si t'aimes te baigner dans des lacs bien froids, alors viens dans mon auberge. Moi je suis un Auvergnat et j'aime ça. Alors, si tu n'aimes pas le fromage, mon pauvre gars, t'es perdu ici. À moins que tu veux du saucisson, jambon. Ah oui, j'avais oublié, mon petit. Tu es allergique au fromage, c'est ça? Je me rappelle ton histoire analphylactique. Ok, on va vous la faire avec des vraies paroles. J'ai perdu mes paroles. J'en ai marre de recevoir des SMS sur téléphone qui arrêtent pas de vibrer. Je vais l'éteindre, ce sera mieux, je crois. Attention. Ready? Sur la terre, rien n'a changé malgré mes prières. Je ne cesse de croire encore plus fort. Ne me jugez pas même si j'ai tort. We'll be right back. me jugez pas, même si j'ai tort. Je ne sais pas encore plus tôt. Ne me jugez pas si j'ai tort. Je vous laisse parce que moi je commence à avoir faim. À bientôt. Ciao. Elle va faire à manger un peu là. Fille. Va préparer un bon petit plat. Auvergne. Salut Kradzi Dial.